tambo bosheron. Moi je cours quand elle est chambre. Ton vent n'a pas pas soumba. Moi maintenant elle est follow. Tout ça n'a pas pas pemba. Et n'a pas pas pas tu lolo. Tout ça n'a pas pas sans moi. Moi et tu n'y Mata Major.